Ézéchiel chapitre 11. Puis l'Esprit m'éleva, et me mena à la porte orientale de la maison de l'Éternel, qui regarde vers l'Orient, et voici, 25 hommes à l'entrée de la porte, et je vis au milieu de Jaazanja, fils d'Azur, et Peladja, fils de Benaja, les principaux du peuple. Et il me dit, fils d'homme, ceux-ci sont les hommes qui ont des pensées d'iniquité, et qui donnent un mauvais conseil dans cette ville. En disant, ce n'est pas une chose prête, qu'on bâtisse des maisons, elle est la chaudière, et nous sommes la chair. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils d'homme. L'Esprit donc de l'Éternel tomba sur moi, et me dit, parle, ainsi a dit l'Éternel, vous parlez ainsi, maison d'Israël, et je connais toutes les pensées de votre esprit. Vous avez multiplié vos gens tués dans cette ville, et vous avez rempli ces rues de gens que vous avez mis à mort. C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, les gens que vous avez fait mourir, et que vous avez mis au milieu d'elle, sont la chair, et elle est la chaudière, mais je vous tirerai hors du milieu d'elle. Vous avez eu peur de l'épée, mais je ferai venir l'épée sur vous, dit le Seigneur, l'Éternel. Et je vous tirerai hors de la ville, je vous livrerai entre les mains des étrangers, et j'exécuterai mes jugements contre vous. Vous tomberez par l'épée. Je vous jugerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Elle ne vous sera point une chaudière, et vous ne serez point au-dedans d'elle comme la chair. Je vous jugerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, car vous n'avez point marché dans mes statuts, et vous n'avez point suivi mes ordonnances, mais vous avez agi selon les ordonnances des nations qui sont autour de vous. Or il arriva, comme je prophétisais, que Peladja, fils de Benaja, mourut, alors je me prosternai sur mon visage, et je criai à haute voix, et dis, ah, ah! Seigneur Éternel, quand vas-tu consumer entièrement le reste d'Israël? Et la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, fils d'homme, tes frères, les hommes de ta parenté, et tous ceux de la maison d'Israël entièrement, sont ceux auxquels les habitants de Jérusalem ont dit, éloignez-vous de l'Éternel, la terre nous a été donnée en héritage. C'est pourquoi dis-leur, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, quoique je les ai éloignés entre les nations, et que je les ai dispersés par les pays, je leur ai pourtant été comme un petit sanctuaire dans les pays auxquels ils sont venus. C'est pourquoi dis-leur, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, aussi je vous recueillerai d'entre les peuples, et je vous rassemblerai des pays, auxquels vous avez été dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. Et ils y entreront, et ôteront hors d'elle toutes ces infamies et toutes ces abominations. Et je ferai qu'ils n'auront qu'un cœur, et je mettrai au-dedans d'eux un esprit nouveau, j'ôterai le cœur de pierre hors de leur chair, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils marchent dans mes statuts, qu'ils gardent mes ordonnances, et qu'ils les fassent, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mais quant à ceux dont le cœur va après le désir de leurs infamies et de leurs abominations, quant à ceux-là, je ferai tomber sur leur tête, les peines que mérite leur conduite, dit le Seigneur, l'Éternel. Puis les chérubins élevèrent leurs ailes, et les roues qui étaient vis-à-vis d'eux s'élevèrent aussi, et la gloire du Dieu d'Israël qui était sur eux par-dessus. Et la gloire de l'Éternel, s'éleva du milieu de la ville, et s'arrêta sur la montagne qui est à l'orient de la ville. Puis l'Esprit m'enleva, et me transporta en Chaldée, vers ceux qui avaient été emmenés captifs, le tout en vision par l'Esprit de Dieu. Et la vision que j'avais vue disparut de devant moi. Alors je dis à ceux qui avaient été emmenés captifs, toutes les choses que l'Éternel m'avait fait voir.